Chapitre deuxième. Ce qu'était Gaston. Gaston avait 20 ans et était poète. Poète comme on l'est à son âge. La poésie, cette belle fille qui a tant d'adorateurs et si peu d'amants, l'avait séduit. Il brûlait de coller ses lèvres sur cette bouche à la fois chaste, voluptueuse et mystérieuse. La belle fille, au flanc fécond mais pur comme un rocher de cristal, était sans cesse devant ses yeux. De plus, Gaston appartenait à cette pléiade de jeunes gens qui, à force de chercher l'idéal, en sont arrivés à adorer la forme et rien que la forme. Il aimait la poésie des contours et des couleurs, lutte sublime entre la matière et l'idée. En poursuivant des lointains décevants, il avait meurtri ses pieds aux cailloux du chemin. Toutefois, ces mirages continuels n'avaient fait que l'éblouir sans l'arrêter. Il voulait lutter. Lutte terrible, toujours incomprise, et dans laquelle presque toujours on succombe. Duel entre la vie et la misère. À 17 ans, Gaston avait renoncé aux affections de famille pour poursuivre ce rêve de cerveau malade ainsi que les appellent les rationalistes. Il avait troqué le bien-être de ses premières années contre la mansarde disjointe, les veilles qui rougissent les yeux, la lampe sans huile, les rudes soirées d'hiver sans feu. Qui l'avait soutenu? L'espoir, et parfois aussi les lettres affectueuses d'une bien-aimée sœur qui avait foi en lui. Que de fois, en rentrant, après de nouvelles déceptions, navré de douleur, n'ayant même pas le pain amer des jours précédents, il trouva la force dans ses lettres aimées. Quelquefois, la sœur avait glissé dans l'enveloppe un louis, épargne de petits travaux d'aiguille fait le soir au coin du feu et vendu en cachette. Gaston bénissait cette muse du cœur et il se disait « Marie, bonne Marie, j'arriverai, et alors, devenue la sœur d'un grand poète, tu seras récompensée de tous tes sacrifices. » Cependant, la misère en haillons ne tardait pas à l'étreindre de nouveau. Il sentait ses doigts amaigris meurtrir ses membres frêles encore, peu fait à ses griffes d'acier. Il se décida à solliciter. Les portes ne s'ouvrirent pas. Quand elles s'ouvrirent, les réceptions furent hautaines et sanglantes. Il essuya le dédain des éditeurs, ces vampires de la jeunesse. « Faites-vous un nom, lui disait-il, et nous verrons. » Son cœur devenait gros d'orage. Les promesses, ce vin frelaté dont s'enivrent les pauvres pour s'étourdir, lui manquaient même. Au milieu de ses angoisses, il reçut quelques mots de Marie. L'écriture était mal assurée. « Je suis malade, lui écrivait-elle, je voudrais bien te voir. » Il pâlit affreusement, sa poche était vide. Alors il comprit ce qu'était l'or. « De l'or, s'écriait-il, pour de l'or je ferai tout. » À 50 lieues agonisait peut-être celle qu'il aimait le mieux au monde. Rivé à la glèbe, il ne pouvait briser sa chaîne. 2 jours après, il recevait quelques pièces d'or. Il partit. Marie n'était pas morte, mais elle ne le reconnut pas. Elle expira dans les bras de son poète, pour qui étaient toutes ses pensées et auxquelles elle parlait dans son délire. « Tu l'aimeras, disait-elle à sa mère, l'avant-veille de sa mort, tu lui pardonneras. Est-ce que les poètes sont de même nature que nous? Dieu les a créés tels, ils doivent obéir à leur vocation. Oui, mon Gaston, ceux qui te bafouent seront heureux plus tard de se dire de tes amis. » Étant encore en pleine connaissance, elle avait fait faire un petit paquet de ses bijoux et de l'argent qu'elle avait. Elle y avait joint une lettre d'adieu pour son frère. Gaston en ouvrit ce cher souvenir qu'à Paris. « Comme elle m'aimait, s'écria-t-il, je serai célèbre, Marie, mais ce sera pour toi. » De nouveau, les veilles recommencèrent, mais le souvenir de Marie le soutenait. Un jour, il arriva que le petit trésor qu'elle lui avait légué fut épuisé. La misère souleva un coin du rideau et montra sa tête osseuse. Gaston eut peur. Pourquoi? Ce n'était pas la première fois qu'il était aux prises avec elle. Il regarda la bague, dernier bijou qu'il tenait de sa sœur. L'antre fétide et toujours béant du journalisme était là. Il y entra, tête baissée. « L'argent viendra, disait-il, et alors je pourrai vivre, et alors je ferai de l'art. » Les feuilles éphémères qui, sous un nom littéraire, abritent de honteux commerces, finirent par l'accueillir. Un article passa, puis 2, puis 3. Il donnait son temps, son travail. On l'appelait rédacteur. C'était tout. L'argent ne paraissait jamais. Il changea de feuille. Même des illusions, Le journal lui-même s'éteignit faute d'argent. Revues périodiques, écrits hebdomadaires, journaux d'annonces, il inonda tout de sa prose, écrite souvent sur du papier gris faute de papier blanc. Sa vie était une vie d'expédients. Un jour, il avait une réclame pour un commerçant. Cet homme, moitié par honnêteté, moitié par pitié, crut bon de le payer. Ce commerçant était ailleurs. Il lui envoya un gilet et un pantalon. Gaston crut voir se déchirer le nuage noir qui voilait son horizon. Il se crut connu. Il pouvait, pensait-il, franchir le seuil du grand journal. Il essaya. On ne le connaissait nullement. On n'avait jamais vu le nom des 10 ou 15 feuilles dans lesquelles étaient semés d'articles de critique, compte-rendu de théâtre, écho, causerie, etc. L'éditeur lui dit d'écrire dans les grands journaux. Il se mit au gage des entrepreneurs de librairie. Il écrivit des notices, des préfaces, et se fit correcteur d'épreuves. Fatigué de ce métier, le plus horrible des métiers, Gaston entrevit le théâtre comme l'horizon doré de la gloire et du bien-être. Il se demanda comment il n'y avait pas songé plus tôt. Pauvre enfant, né poète, incapable de lutter avec les ennemis multiples que rencontre l'auteur dramatique, il se courba sous de nouvelles déceptions et tomba brisé. Après avoir travaillé jour et nuit, il vit se dresser devant lui le directeur, le régisseur, l'acteur, le machiniste, le costumier, etc. L'un voulait des mutilations, l'autre des corrections, l'acteur un changement de phrase. L'actrice un rôle qui lui permit d'échancrer davantage sa robe et de la raccourcir d'un pouce. De son travail, il ne lui resta que la fatigue et la figure terreuse, ce maquillage d'éveil et des insomnies. Pour la première fois de sa vie, le doute s'empara de lui. Il n'avait pas l'âme chevillée dans le corps pour gagner cette bataille qui se livre derrière la toile. Il se crut perdu. Inconcevable arrangement de notre destinée qui fait que notre bien-être surgit souvent d'un malheur irréparable. La sœur de Gaston était morte, sa mère la suivit de près. Le jour que le journaliste reçut cette nouvelle, il était 2 heures. Il n'avait pas déjeuné. L'homme qui l'avait habillé lui prêta l'argent du voyage. Son premier mot fut presque une malédiction. 4 années de souffrance morale et physique qu'il voyait cesser non par un premier succès, mais par la perte successive d'être cher. Combien cette gloire qu'il poursuivait lui coûterait cher? Il ne se demandait pas s'il l'atteindrait. Il avait eu le temps d'apprendre que tout n'est pas poésie dans ce monde et que souvent nous sommes forcés de songer aux soins et aux soucis de la vie active. Cependant, du jour où il put vivre, il ne s'inquiéta pas de l'avenir. Jamais il ne songea à l'argent trop lourd pour sa main fébrile. Il avait, pour ainsi dire, en me servant d'un mot d'un autre, la nostalgie de l'invisible. Le combat matériel était arrivé à son terme, du moins pour quelque temps. Mais les luttes morales continuaient. Ce fut au milieu d'elles, au milieu de succès éphémères, que Gaston sentit dans son cœur vibrer cette corde qui devait ou le sauver ou le perdre sans retour, l'amour. La femme qu'il n'avait fait qu'entrevoir était la réalisation matérielle de son rêve. Devait-elle également réaliser son idéal ?